Quatrième partie, chapitre 4 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune par Louise Michel. Quatrième partie, l'Hécatombe. Chapitre 4. Les prisons de Versailles, les poteaux de Satory. Jugement. Nul souffle humain n'est sur les pages. L.M. À la correction de Versailles, on pouvait, avec quelque habileté, savoir des nouvelles des hommes incarcérés dans les autres prisons. Cela, du moins, vivait encore. Nous savions qu'à la justice, il y avait déjà depuis quelque temps Ferré, Rossel, Grousset, Courbet, Gaston d'Acosta, enfermés dans le même couloir que Rochefort qui les avait précédés. Nous savions ceux qui avaient pu s'échapper de l'abattoir, ceux dont personne n'avait de nouvelles, chaque jour amenant de nouvelles arrestations, quand la police et les délateurs étaient insuffisants, ce qui arrivait souvent, policiers et délateurs ayant eu de tout temps le monopole de la bêtise, on employait d'autres moyens. Odysse Barrault raconte ainsi la façon dont fut opérée l'arrestation de T.H. Ferré. Le père était parti pour son travail quotidien. Il ne restait là que deux femmes, la vieille mère et la jeune sœur de l'homme qu'on recherchait. Cette dernière, Marie Ferré, était au lit dangereusement malade, en proie à une fièvre ardente. On se rabat sur Madame Ferré, on la presse de questions. On la somme de révéler la cachette de son fils. Elle affirme qu'elle ignore et que d'ailleurs, le connût-elle, on ne pouvait pas exiger d'une mère qu'elle se fît la dénonciatrice de son propre fils. On redouble d'instances. On emploie tour à tour la douceur, la menace. Arrêtez-moi si vous voulez, mais je ne puis vous dire ce que j'ignore, et vous n'aurez pas la cruauté de m'arracher d'auprès du lit de ma fille. La pauvre femme, à cette seule pensée, tremble de tous ses membres. L'un de ces hommes laisse échapper un sourire. Une idée diabolique venait de surgir dans son esprit. « Puisque vous ne voulez pas nous dire où est votre fils, eh bien, nous allons emmener votre fille. » Un cri de désespoir et d'agonie s'échappe de la poitrine de Madame Ferré. Ses prières, ses larmes sont impuissantes. On se met en devoir de faire lever et habiller la malade, au risque de la tuer. « Courage, mère, » dit Mademoiselle Ferré, « ne t'afflige pas. Je serai forte. Ce ne sera rien. Il faudra bien qu'on me relâche. On va l'amener. » Placé dans cette épouvantable alternative, ou d'envoyer son fils à la mort, ou de tuer sa fille en la laissant emmener, affolé de douleur, en dépit des signes suppliants que lui adresse l'héroïque Marie, la malheureuse mère perd la tête, hésite. « Tais-toi, mère, tais-toi, » murmure la malade. On l'emmène. Mais c'en était trop pour le pauvre cerveau maternel. Madame Ferré s'affaisse sur elle-même. Une fièvre chaude se déclare. Sa raison s'obscurcit. Des phrases incohérentes s'échappent de sa bouche. Les bourreaux prêtent l'oreille et guettent la moindre parole pouvant servir d'indice. Dans son délire, la malheureuse mère laisse échapper à plusieurs reprises ces mots « rue Saint-Sauveur ». Hélas, il n'en fallait pas davantage. Tandis que deux de ces hommes gardent à vue la maison Ferré, les autres courent en hâte achever leur œuvre. La rue Saint-Sauveur est cernée, fouillée. Théophile Ferré est arrêté. Quelques mois plus tard, il est fusillé. 8 jours après l'horrible scène de la rue Fazillot, on rendait à la courageuse enfant sa liberté. Mais on ne lui rendait pas sa mère devenue folle et qui mourut bientôt dans un hospice d'aliénés à l'asile Sainte-Anne. Odysse Barrault. Dossier de la magistrature. Le père fut fait prisonnier et y resta jusqu'après l'assassinat de Ferré. Marie gagnait seule pour ses chers prisonniers. Plusieurs membres de la Commune et du comité central étant arrêtés, on pensait généralement que leur jugement aurait lieu. D'abord, il n'en fut rien. Le gouvernement voulait préparer les esprits aux condamnations, en faisant comparaître les premières, non pas les femmes qui eussent hautement revendiqué leurs actes, mais de pauvres femmes, dont le seul crime était d'avoir été de dévouées ambulancières, ramassant et soignant parisiens et versaillais, avec le même empressement. Pour elles, ils étaient des blessés. Elles étaient les sœurs de ces souffrants. Elles étaient quatre. Élisabeth Rétif, Joséphine Marchais, Eugénie Suétan, Eulalie Papavoine, nullement parente, nous l'avons dit, du fameux Papavoine. On mettait partout ce nom en exergue, réactionnaire, imbécile et gouvernant, l'élevait à tout propos. Jamais elle ne s'était vue avant la nuit qui précédait leur arrestation. Les fédérés se repliaient sur un autre quartier. Elles se rencontrèrent dans une maison où elles passèrent la nuit. Je ne sais si quelques blessés ne s'y trouvaient pas également. Vaincues par le sommeil, elles se jetèrent deux par deux sur un matelas posé à terre et y dormirent à tour de rôle. C'est pendant cette nuit-là que l'accusation s'obstinait à dire qu'ensemble, elles avaient allumé l'incendie. Ce qui ne les empêchait pas d'avoir dormi étant ivres. Peut-être qu'elles étaient ivres, en effet, de fatigue et de faim. Des soldats furent improvisés leurs défenseurs. Trois demandèrent à s'absenter pendant le jugement, ce qui leur fut accordé. Un sous-officier qui plaidait pour Suétan se contenta de dire « Je m'en rapporte à la sagesse de la cour ». Ces dévoués eurent des paroles justes, mais elles n'osèrent jeter à la face des juges que leur honnêteté assurant la vérité qu'elles avaient soigné les blessés sans regarder s'ils appartenaient à l'armée de la Commune ou à l'armée de Versailles. Elles furent en conséquence condamnées à mort. Cela étonnait les soldats qu'elles avaient soignés, comme ils s'étaient étonnés que du côté de la Commune on conduisit les blessés à l'ambulance au lieu de les achever. Jusqu'au jugement des membres de la Commune, on se garda de faire comparaître ceux qui eussent fait prompte justice des accusations grotesques et des légendes infâmes soigneusement recueillies par des écrivains en tête desquels étaient Maxime Ducamp et autres. Les fédérés attendaient un peu partout, dans les prisons, sur les pontons, dans les forts. On espérait amollir les courages. Les rats, la vermine et la mort ne terrassaient que les malheureux arrêtés dans la foule comme d'autres avaient été fusillés sur le tas. Les statistiques officielles avouèrent parmi les détenus 1179 morts et 2000 malades. Comptait-on les exécutés de Satory dans les premiers jours, les inconnus assommés parce qu'ils ne pouvaient pas suivre la marche des prisonniers que réglait le pas des chevaux, et le nombre de ceux à qui l'horreur des choses vues avait fait perdre la raison. Lorsque, pour l'instruction, je fus reconduite à la prison des chantiers pendant quelques heures, j'appris que les folles en avaient été extraites pour les conduire, disait-on, dans un asile de fous. Personne ne put vérifier. Nous ne savions pas leur nom, elles ne le savaient plus elles-mêmes, pour la plupart. Enfin parut un arrêté du gouverneur de Paris annonçant la mise en jugement des membres de la Commune et du comité central tombés entre les mains de l'ennemi. Ceux-là répondraient. Les accusés étaient classés dans l'ordre suivant. Ferré, Assis, Urbain, Bioré, Jourde, Trinquet, Champy, Régère, Lisbonne, Lullier, Rastoul, Grousset, Verdure, Ferrat, Deschamps, Clément, Courbet, Parent. Le troisième conseil de guerre devant lequel ils devaient comparaître était ainsi composé. Merlin, colonel, président. Gaulet, chef de bataillon, juge. De Guibert, capitaine, juge. Mariguet, juge. Cassaigne, lieutenant, juge. Léger, sous-lieutenant, juge. Labat, adjudant, sous-officier. Gaveau, chef de bataillon au 68e de ligne. Sénard, capitaine, substitut. Le procès commencé le 17 août, eut 17 audiences. 300 sièges avaient été préparés pour l'Assemblée de Versailles. 2000 places furent réservées à un public choisi. Les égorgeurs de l'armée régulière, au grand complet, y offraient le bout de leurs doigts gantés à des femmes richement vêtues, et le dos arrondi les reconduisait à leur place en saluant. On déniait aux membres de la Commune le titre d'accusé politique, qu'on le reconnut sans le savoir, par la condamnation de quelques-uns d'entre eux à la déportation simple, peine essentiellement politique. Les rapports des policiers avaient, sous la haute direction de M. Thiers, été collectionnés en un dossier épouvantable et burlesque, travail tout préparé à la taille de celui qui en était chargé. C'était le chef de bataillon Gaveau. Sorti naguère d'une maison de fous, il acheva l'œuvre en y mettant un cachet de démence. La presse réactionnaire poussa tant de hurlements autour des accusations que tous les esprits libres à l'étranger se révoltèrent. Le Standard de Londres, jusque-là ennemi de la Commune, ne trouvait rien de plus révoltant que l'attitude de la presse française du demi-monde autour de ce procès. Ferré ne voulant pas de défenseur, le président nomma d'office Maître Marchand, qui eut l'honnêteté de se borner à ce que Ferré lût ses conclusions. Cependant, à travers les interruptions haineuses du tribunal et les vociférations de la salle, si bien choisie, il ne put le faire complètement. Ce fut ainsi que commença et termina Ferré. Après la conclusion du traité de paix, conséquence de la honteuse capitulation de Paris, la République était en danger. Les hommes qui avaient succédé à l'Empire écroulé dans la boue et le sang se cramponnaient au pouvoir et, quoique accablés par le mépris public, ils préparaient dans l'ombre un coup d'État, persistant à refuser à Paris l'élection de son conseil municipal. Les journaux honnêtes et sincères étaient supprimés. Les meilleurs patriotes étaient condamnés à mort. Les royalistes se préparaient au partage des restes de la France. Enfin, dans la nuit du 18 mars, ils se crurent prêts et tentèrent le désarmement de la garde nationale et l'arrestation en masse des républicains. Leur tentative échoua devant l'opposition entière de Paris et l'abandon de leurs soldats, ils s'enfuirent. Ils se réfugièrent à Versailles. Dans Paris livré à lui-même, les citoyens honnêtes et courageux essayaient de ramener l'ordre et la sécurité. Au bout de quelques jours, la population étant appelée au scrutin, la Commune fut ainsi constituée. Le devoir du gouvernement de Versailles était de reconnaître la validité de ce vote et de s'aboucher avec la Commune pour ramener la concorde. Tout au contraire, et comme si la guerre étrangère n'avait pas fait assez de misère et de ruines, il y ajouta la guerre civile. Ne respirant que la haine et la vengeance, il attaqua Paris et lui fit subir un nouveau siège. Paris résista 2 mois et il fut alors conquis. Pendant 10 jours, le gouvernement autorisa le massacre des citoyens et les fusillades sans jugement. Ces journées funestes nous reportent à celles de la Saint-Barthélemy. On a trouvé moyen de dépasser juin et décembre. Jusqu'à quand le peuple continuera-t-il à être mitraillé? Membre de la Commune de Paris, je suis entre les mains de ces vainqueurs. Ils veulent ma tête, qu'ils la prennent. Jamais je ne sauverai ma vie par la lâcheté. Libre j'ai vécu, j'entends mourir de même. Je n'ajoute plus qu'un mot, la fortune est capricieuse, je confie à l'avenir le soin de ma mémoire et de ma vengeance. Après ce manifeste interrompu à chaque mot par des insultes, où même ceux qui en appelaient à la légalité étaient forcés de reconnaître les faits, et qui, à Londres, fit une profonde impression, le président Merlin lança cette suprême insulte, la mémoire d'un assassin, et l'agité Gaveau ajouta, c'est au bagne qu'il faut envoyer un pareil manifeste. Tout cela, dit encore Merlin, ne répond pas aux actes pour lesquels vous êtes ici. Ferré en termina d'un mot. Cela signifie, dit-il, que j'accepte le sort qui m'est fait. La Commune était glorifiée. Mais Ferré était perdu. L'avocat voulant prendre acte des paroles de Merlin, la mémoire d'un assassin, l'auditoire hurla et Merlin, insolent, répondit « Je me suis servi de l'expression dont parle le défenseur, le conseil vous donne acte de ses conclusions. » Mais Ferré ne voulait pas discuter sa vie. Jourde, sans sa prodigieuse mémoire, eut passé à cause de son épouvantable honnêteté au sujet de la banque pour un voleur. On avait enlevé ses comptes, il les rétablit de mémoire avec une clarté qui aurait dû couvrir de honte le tribunal. La honte pour certaines gens n'existe pas. Les 1 000 francs que chacun des membres de la Commune avait employés aux nécessités du moment feraient une étrange figure devant les millions semés aujourd'hui par les gouvernants en voyages d'agrément et autres choses de pire. Champy, Trinquet revendiquèrent l'honneur d'avoir rempli leur mandat jusqu'au bout. Urbain sortit à son honneur du complot ourdi contre lui à l'aide de M. de Monteau, placé près de lui par Versailles pour le trahir. Les infâmes dessous du gouvernement furent étalés au grand jour de la presse de l'Europe. On vit dans leur révolutionnaire honnêteté les hommes de la Commune, mais que chèrement ils payèrent cette honnêteté scrupuleuse qui les avait empêchés de restituer à la foule ou au néant l'éternel veau d'or, la banque. Les jugements furent ainsi rendus. condamné à mort. Théophile Ferré, Ludier, travaux forcés à perpétuité. Urbain Trinquet. Déporté dans une enceinte fortifiée. Assis, Bioré, Champy, Regère, Ferret, Verdure, Grousset. Déportation simple, Jourde, Rastoul. 6 mois de prison et 500 francs d'amende, Courbet. Acquitté, Deschamps, Parent, Clément, comme ayant donné dès les premiers jours leur démission de membres de la Commune. La commission de 15 bourreaux, qui sans doute par ironie était appelée commission des grâces, était ainsi composée. Martel, Priou, Bâtard, Voisin, Badba, Maillé, Lacaze, Duchâtel, marquis de Quinzouna, Merveilleux Duvignan, Taillot, Corne, Paris, Bigot, Babi et Thiers, président en surplus. La commission des grâces envoyait les condamnés au poteau avec toutes les formes voulues. Cela faisait partie de la mise en scène comme la mise en chapelle en Espagne. En attendant, comme tous les prisonniers possibles, nous correspondions entre les deux prisons, ayant soin, si la chose était découverte, de ne compromettre personne. Elle le fut, en effet, et ce qui parut le plus terrible, c'est que les monstres, nos vainqueurs, y étaient traités d'imbéciles. Il y était raconté aussi que leurs idiots de policiers étaient en train de chercher partout une personne morte dont ils avaient trouvé la photographie dans leur perquisition, ce qui devait leur arriver souvent. Ce crime n'était pas le seul. J'avais envoyé des vers à nos seigneurs et maîtres, pas à leur louange, bien entendu. Quelques strophes en ont paru dans mon volume de vers à travers la vie. Au troisième conseil de guerre. Tous ces temps-ci sont votre ouvrage, et quand viendront des jours meilleurs, l'histoire sourde à votre rage jugera les juges menteurs. Tous ceux qui veulent une proie, vendus traîtres, suivent vos pas, cette claque des attentats, mouchard bandit, fille de joie, Cassaigne, Mariguet, Guibert, Léger, Gaveau, Gaulet, Labat, Merlin, Bourreau, etc. Versailles, capitale. Oui, Versailles est capitale, ville corrompue et fatale. C'est elle qui tient le flambeau, Satory lui fait sentinelle, et les bandits la trouvent belle. Avec un linceul pour manteau, Versailles, vieille courtisane, sous sa robe que le temps fane, tient la République au berceau, couverte de lèpre et de crime. Elle souille ce nom sublime, en l'abritant sous son drapeau, il leur faut de hautes bastilles, pleines de soldats et de filles, pour se croire puissants et forts, tandis que sous leur poids immonde, la ville où bat le cœur du monde, Paris, dort du sommeil des morts. Malgré vous, le peuple héroïque fera grande la République, on n'arrête pas le progrès, c'est l'heure où tombent les couronnes, comme à la fin des froids automnes tombent les feuilles des forêts. L. Michel, prison de Versailles, octobre 71. À nos vainqueurs. On en est à ce point de honte, de dégoût profond et vainqueur, que l'horreur ainsi qu'un flot monte et l'on sent déborder son cœur. Vous êtes aujourd'hui nos maîtres, notre vie est entre vos mains, mais les jours ont des lendemains, et parmi vous sont bien des traîtres. Passons, passons les mers, passons les noirs vallons, passons, passons. Passons que les blémures tombent dans les sillons, etc. Peu à peu, nous apprenions par les prisonnières qui arrivaient les détails des cruautés encore inconnues. Par exemple, l'exécution de Tony Moylan, qui n'avait jamais que parlé dans les réunions publiques. Il avait demandé, pour éviter des ennuis à sa femme, à régulariser son mariage avant l'exécution. Cette demande lui ayant été accordée, ils attendirent ensemble l'heure au poste près duquel il devait être passé par les armes, sans qu'aucun détail de l'exécution échappât à la malheureuse femme. Nous eûmes aussi connaissance de la mort de certains gens partisans de Versailles tombés avec les autres à l'abattoir du Châtelet. Là aussi, on fusillait des hommes restés chez eux, parce que leurs femmes passaient pour favorables à la Commune. Ainsi fut assassiné M. Tiner. L'une des femmes qui le plus avait penché pour les moyens de conciliation entre Paris et Versailles, Madame Manière, fut la dernière arrestation que je vis à la correction avant mon transfèrement à la prison d'Arras. Un matin, on m'appela au greffe. Je réclamais depuis longtemps ma mise en jugement, pensant qu'une exécution de femme pourrait perdre Versailles. Je m'imaginais être appelé pour quelques formalités à ce sujet. C'était pour mon départ à la prison d'Arras. On me jugerait quand on aurait le temps. J'étais puni d'abord. J'ai pensé pendant longtemps que cette noirceur était due à Massé. J'ai su depuis que c'était au vieux Clément. En partant, j'écrivis une protestation sur le livre du greffe, et je recommandais qu'on voulût bien prévenir ma mère qui devait venir me voir le lendemain, jour de visite. On était en novembre, et l'hiver vint de très bonne heure cette année-là. Il y avait de la neige déjà depuis plusieurs jours. On oublia de la prévenir, et elle se sentit pendant plusieurs années du froid qu'elle avait éprouvé pendant le voyage de Paris à Versailles pour ne trouver personne. Suivirent le jugement de Rossel, condamné à mort pour avoir passé de l'armée régulière à l'armée fédérée. Bourgeois, sous-officier, fut condamné à mort pour le même fait. Le procès de Rochefort fut encore retardé. On l'envoya attendre au fort Bayard. À Versailles, de belles jeunes filles traversèrent souvent les sombres corridors de la justice, la prison d'État de 71. Marie Ferré, avec ses grands yeux noirs et ses lourds cheveux bruns, la fille de Rochefort, toute jeune alors, les deux sœurs de Rossel, Bella et Sarah. À Paris, étaient deux femmes dont l'une fièrement pensait à son frère mort, l'autre toujours dans l'anxiété du doute, la sœur de Delescluze, la sœur de Blanqui. La nuit du 27 au 28 novembre, à la prison d'Arras, on m'appela et on me dit de me tenir prête pour partir à Versailles. Je ne sais pas à quelle heure on partit, c'était encore nuit, il y avait beaucoup de neige. Deux gendarmes m'accompagnaient. On prit le chemin de fer après avoir attendu longtemps à la gare où les imbéciles venaient me regarder comme un animal curieux et essayer d'entrer en conversation. Avec la manière dont je leur répondais, le même n'y revenait pas deux fois, mais restait à une petite distance, me regardant les yeux effarés. « Je crois, me dit l'un de ces gens, qu'il y aura dès le matin des exécutions à Satory. »« Tant mieux, lui dis-je. » Cela hâtera celle de Versailles. Des gendarmes m'emmenèrent dans une autre salle. On attendit encore longtemps le départ. À Versailles, je rencontrai à la gare Marie Ferré, pâle comme une morte, sans larmes. Elle venait réclamer le corps de son frère. Les gendarmes qui m'accompagnaient furent destitués pour nous avoir laissé communiquer ensemble, Marie et moi. Le journal La Liberté du 28 novembre raconte ainsi l'exécution de Satory. Les condamnés sont vraiment très fermes. Ferré, adossé à son poteau, jette son chapeau sur le sol. Un sergent s'avance pour lui bander les yeux. Il prend le bandeau et le jette sur son chapeau. Les trois condamnés restent seuls. Les trois pelotons d'exécution qui viennent de s'avancer font feu. Rossel et Bourgeois sont tombés sur le coup. Quant à Ferré, il est resté un moment debout et est tombé sur le côté droit. Le chirurgien-major du camp, M. Desjardins, se précipite vers les cadavres. Il fait signe que Rossel est bien mort et appelle les soldats qui doivent donner le coup de grâce à Ferré et à Bourgeois. La Liberté, 28 novembre 1871. Une lettre adressée par Ferré à sa sœur quelques instants avant de mourir était ainsi conçue. Maison d'arrêt cellulaire de Versailles, numéro 6, mardi 28 novembre 1871, 5h30 du matin. Ma bien chère sœur, dans quelques instants, je vais mourir. Au dernier moment, ton souvenir me sera présent. Je te prie de demander mon corps et de le réunir à celui de notre malheureuse mère. Si tu peux, fais insérer dans les journaux l'heure de mon inhumation afin que des amis puissent m'accompagner. Bien entendu, aucune cérémonie religieuse. Je meurs matérialiste comme j'ai vécu. Porte une couronne d'immortels sur la tombe de notre mère. Tâche de guérir mon frère et de consoler notre père. Dis-leur bien à tous deux combien je les aimais. Je t'embrasse mille fois et te remercie mille fois des bons soins que tu n'as cessé de me prodiguer. Surmonte la douleur et comme tu me l'as souvent promis, sois à la hauteur des événements. Quant à moi, je suis heureux. J'en vais finir avec mes souffrances, il n'y a pas lieu de me plaindre. Tous mes papiers, mes vêtements et autres objets doivent être rendus, sauf l'argent du greffe que j'abandonne aux détenus moins malheureux. T.H. Ferré. Le juge Merlin était à la fois du conseil de guerre et de l'exécution. La province, comme Paris, fut couverte de sang des exécutions froides. Le 30 novembre, deux jours après les assassinats de Satory, Gaston Crémieux de Marseille fut conduit dans la plaine qui borde la mer et qu'on appelle le Faro. Déjà, on y avait fusillé un soldat nommé Paquis, passé dans les rangs populaires. Crémieux commanda lui-même le feu. Il voulut crier « Vive la République !» mais la moitié du mot seulement passa ses lèvres. Les soldats, après chaque exécution, défilaient devant les corps. Au son des fanfares, ils le firent au Faro, comme ils l'avaient fait à Satory. Un peu plus tard, le père Étienne eut sa condamnation à mort commuée en déportation à perpétuité. Des registres étaient couverts de signatures à la porte de Gaston Crémieux. Cette manifestation fit une impression de crainte au gouvernement. Se voyant désavoué par les consciences, il voulut en imposer par la terreur. Près d'un an après la Commune, le 22 février à 7 heures, les poteaux de Satory furent de nouveau ensanglantés. Lagrange, Herpin-Lacroix, Verdaguer, trois braves et vaillants défenseurs de la Commune, paient de leur vie comme tant d'autres la mort des deux généraux Clément Thomas et Lecomte, que Herpin-Lacroix avait voulu sauver et qui avaient préparé eux-mêmes leur fatalité. Le 29 mars, Préau de Védel, le 30 avril, Janton, se traînant sur les béquilles à cause de ses blessures, mais fièrement debout au poteau. Le 25 mai, Cerisier, Bouin et Boudin, pour avoir pendant les jours de mai tué un individu qui s'opposait à la défense. Le 6 juillet, Baudouin et Rouillac, pour l'incendie de Saint-Éloi et la lutte devant les barricades. Arrivés au poteau, ils brisèrent les cordes et luttèrent contre les soldats. Ils furent massacrés comme des bœufs à l'abattoir. C'est avec cela qu'ils pensaient, dit l'officier qui commandait, en remuant du bout de la botte les cervelles répandues à terre. Comme s'étaient amoncelés les cadavres, on entassait les condamnations. Après le délire du sang, il y avait le délire des jugements. Versailles crut faire avec la terreur le silence éternel. Des écrivains furent condamnés à mort pour des articles de journaux. Ainsi, Marotteau condamné à mort pour des articles de La Montagne. La profession de foi de ce journal n'était que l'exact compte-rendu des faits. Marotteau y disait en parlant de la réaction. Quand ils sont à bout de mensonges et de calomnies, quand leur langue pend, pour se remettre, ils se trempent le nez dans l'écume du verre de sang de Mademoiselle de Sombreuil. Ils sortent de sa tombe le général Bréat, agitant le suaire de Clément Thomas. Assez. Vous parlez de vos morts, mais comptez donc les nôtres. Compère Favre, retrousse ta jupe pour ne pas la franger de rouge et entre, si tu l'oses, dans le charnier de la Révolution. Les tas sont gros. Voici Prarial et Thermidor, voici Saint-Marie, Transonia, Tickton. Que de dates infâmes, que de noms maudits. Et sans remonter si haut, sans fouiller la cendre des ans passés, qui donc a tué hier et qui tue encore aujourd'hui? Qui donc a enrôlé Charette et Failly? Qui donc a battu le rappel en Vendée, lancé sur Paris, la Bretagne? Qui donc a mitraillé au vol un essaim de fillettes à Neuilly? Bandit. Mais aujourd'hui, c'est la victoire, non la bataille qui marche derrière le drapeau rouge. La ville entière s'est levée au son des trompettes. Nous allons vos tours, allez vous prendre dans votre nid. Vous apportez tout clignotant à la lumière. La Commune vous met ce matin en accusation. Vous serez jugé et condamné. Il le faut. Heinrich passe ton couperet sur la pierre noire. Oui. En fondant la montagne, j'ai fait le serment de Rousseau et de Marat. Mourir s'il le faut, mais dire la vérité. Je le répète, il faut que la tête de ces scélérats tombe. Gustave Marotteau. Qui donc s'étonnerait qu'on se fût indigné des crimes de Versailles? Le numéro 19 de La Montagne, presque le dernier, ce journal, je crois, n'en ayant eu qu'une vingtaine, causa le verdict de mort de Marotteau, qu'on n'osa cependant exécuter. Il fut commué aux travaux forcés à perpétuité. Il me reste de cet article les passages incriminés. C'était après le refus de Versailles d'échanger Blanqui contre l'archevêque de Paris et plusieurs prêtres. La Montagne, numéro 19, par Gustave Marotteau. Monseigneur l'archevêque de Paris. En 1848, pendant la bataille de Juin, un prélat fut tué sur une barricade. C'était Monseigneur Affre, archevêque de Paris. Il était monté là, dit-on, sans parti pris, en apôtre prêcher l'Évangile, pour lever du bout de sa crosse d'or le canon fumant des fusils. Cette mort excusait pour elle les craintes de Cavaignac. On feignit de trouver dans les mains qui saignaient sous le fer du bagne des lambeaux de robe violette. C'était faux. On ignore encore aujourd'hui de quel côté vint le coup. On ne sait pas si la balle partait du fusil d'un soldat ou de la canardière d'un insurgé. Les républicains baissèrent la tête comme des maudits sous cette aspersion de sang béni. L'instruction nous a rendus sceptiques. C'est fini, nous ne croyons plus à Dieu. La révolution de 71 est athée. Notre République a un bouquet d'immortels au corsage. Notre grand acte de travail proscrit les paresseux et les parasites. Partez, jetez vos frocs aux orties, retroussez vos manches, prenez l'aiguillon, poussez la charrue, chantez aux bœufs et mieux que des psaumes. Et ne me parlez pas de Dieu. La croque-mitaine ne nous effraie plus. Il y a trop longtemps qu'il n'est plus que prétexte à pillage et assassinat. C'est au nom de Dieu que Guillaume a bu à plein casque le plus pur de notre sang. Ce sont les soldats du pape qui bombardent les ternes. Nous biffons Dieu. Les chiens ne vont plus se contenter de regarder les évêques. Ils les mordront. Nos balles ne s'aplatiront pas sur les scapulaires. Pas une voix ne s'élèvera pour nous maudire le jour où l'on fusillera l'archevêque d'Arbois. Nous avons pris Darbois comme otage, et si on ne nous rend pas Blanqui, il mourra. La commune l'a promis. Si elle hésitait, le peuple tiendrait le serment pour elle et ne l'accusait pas. Que la justice des tribunaux commence, disait Danton au lendemain des massacres de septembre, et celle du peuple cessera. Ah, j'ai bien peur pour Monseigneur l'archevêque de Paris. Gustave Marotteau. Marotteau avait écrit au premier numéro de La Montagne « J'ai fait le serment de Rousseau et de Marat, mourir s'il le faut, mais dire la vérité ». Cette vérité était qu'il était impossible, dans les circonstances horribles créées par Versailles, d'écrire comme d'agir autrement. Il est étrange qu'à l'instant où je citais les paroles de Rousseau, dont Marotteau s'était fait une loi, on ouvrait les cercueils de Rousseau et de Voltaire pour s'assurer si leurs dépouilles aujourd'hui vénérées y gîtent encore. Oui, elles y sont. La tête de Voltaire nous rit au nez de son rire incisif pour avoir avancé si peu. Le squelette de Rousseau calme se croise les bras. Marotteau fut condamné surtout pour avoir dit la vérité. Mais pour lui, comme pour Sivoc, 20 ans après, on osa exécuter la sentence commuée aux travaux forcés à perpétuité. Il fut envoyé au bagne de l'île Nou. Marotteau, malade de la poitrine, avant son départ, mourut le 18 mars 1875 à l'âge, je crois, de 27 ans. Il avait une maladie de poitrine qu'il traînait depuis près de 6 ans, mais la fin était venue. On attendait sa mort dès le 16 mars, l'agonie étant commencée. Tout à coup, il se soulève et, s'adressant au médecin, « La science, dit-il, ne peut donc pas me faire vivre jusqu'à mon anniversaire le 18 mars. » « Vous vivrez, » dit le médecin, qui ne put cacher une larme. Marotteau, en effet, mourut le 18 mars. Longtemps, ses yeux parurent vivants, regardant au fond de l'ombre venir la justice populaire. Alphonse Humbert fut également condamné aux travaux forcés à perpétuité pour des articles de journaux. On prétendit que le numéro du père Duchesne du 5 avril avait provoqué l'arrestation de Chaudet, dont il n'était pas même parlé dans les passages incriminés. En voici quelques fragments. C'est la première fois que le père Duchesne fait un post-scriptum à ses articles bougrement patriotes. C'est aussi que jamais le père Duchesne n'aura été si joyeux, oui, nom de nom. Comme les affaires de la sociale vont bien et comme les gens foutres de Versailles sont foutus plus que jamais. Enfin, tous les vœux du père Duchesne sont comblés et il peut dès à présent mourir. Les battements de son cœur auront pour la troisième fois en moins de 15 jours salué la révolution sociale triomphante. Et savez-vous pourquoi le père Duchesne est si content, bien qu'il y ait eu aujourd'hui une centaine de bons bougres de ses amis de tuer? C'est que malgré toutes les excitations des mauvais gens foutres, nous avons été attaqués les premiers par les hommes de Versailles. Ce sont eux, j'en appelle à la juste histoire de l'an 79 de la République française, ce sont eux qui ont ouvert la guerre civile. Il y a, il est vrai, des patriotes qui sont morts pour le salut de la nation. Gloire à eux. La nation est sauvée. Et l'honneur de la race future est sauf comme le nôtre. Nous baiserons vos plaies, aux patriotes qui êtes morts pour la nation et pour la révolution sociale, et nous nous souviendrons que la couleur du drapeau rouge a été rajeunie dans votre sang. Le père Duchesne, 5 avril 1871. Rochefort fut condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée, aussi pour des articles de journaux, mais surtout pour la part immense qu'il avait eue à la chute de l'Empire. Les articles parus après les premiers bombardements dans le mot d'ordre avaient exaspéré Versailles. Le mot d'ordre a été supprimé par le fuyard Vinoy, aujourd'hui grand crachat de la Légion d'honneur, sous prétexte que mes collaborateurs et moi prêchions la guerre civile. La circulaire Dufort nous apprend que désormais les journaux seront punis quand ils prêcheront la conciliation. Les misérables écrivains qui trouveront mauvais que les femmes soient renversées par les obus dans les avenues qu'elles traversent pour aller faire leurs provisions et qui proposeront un moyen quelconque, fût-il excellent, de faire cesser les hostilités, sont dès aujourd'hui assimilés par le ministre de la Justice versaillaise aux criminels les plus endurcis. Vous êtes parti pour Versailles, mais votre père est resté à Paris. Le jour où vous apprenez qu'une bombe venue de Mont-Valérien a pénétré dans sa chambre et l'a coupée en deux dans son lit. Vous devez demander à grands cris la continuation de la guerre civile sous peine d'être considéré par l'honnête Dufort comme un ennemi de la propriété et même de la famille. Nous l'avons remarqué souvent, il n'y a que les modérés pour être impitoyables. Si encore ils n'étaient que féroces, mais ils sont stupides, c'est du reste ce qui nous sauve. Pas un des soi-disant ministres qui ont assisté à l'élaboration du manifeste qui fait aujourd'hui la joie de tous les amis de la franche gaieté n'a songé que la province à qui il est adressé allait s'écrier comme un seul département. Comment? Voilà un mois qu'ils éventrent Paris, qu'ils trouent les monuments publics et les propriétés privées. Et si par hasard quelqu'un avait l'idée de leur faire observer qu'en voilà peut-être assez, ils déclarent d'avance que ce criminel sera puni selon la rigueur des lois. Ce ministère-là a donc été recruté dans les cages du jardin des plantes. Henri Rochefort. Les deux fragments suivants, surtout, allumèrent les colères de Versailles. Blanqui, condamné à mort par contumace, est découvert et arrêté, soit. Il ne reste plus au gouvernement qu'il l'arrête qu'à le conduire devant ses juges pour l'y faire juger contradictoirement. Mais les amants de la légalité casernée à Versailles ont trouvé plus commode, après avoir refusé à leur prisonnier même le conseil de guerre auquel il a droit, de le calfeutrer dans un cachot quelconque et de lui laisser tellement au secret que personne ne sait dans quelle prison on le détient, et s'il y est mort ou tout simplement moribond. Voilà qui passe toutes les bornes de la folie furieuse, la loi qui autorise cette chose monstrueuse et inutile qu'on appelle le secret n'a jamais, à aucune époque et sous aucun pouvoir, quelque féroce qu'il fût, permis la suppression, c'est-à-dire la disparition de l'accusé. Celui-ci doit toujours être représenté, dit le Code, à la première réquisition de la famille, afin qu'il soit constaté au besoin qu'il n'a pas été assassiné dans sa prison par ceux qui auraient intérêt à sa mort. Or, à la lettre si touchante de la sœur de Blanqui demandant sinon à voir son frère, du moins à savoir dans quel tombeau et sous quelle pierre sépulcrale les geôliers versaillais avaient bien pu l'ensevelir vivant, le jurisconsulte Thiers, flanqué du jurisconsulte Dufort, a répondu qu'il refusait toute communication avec son détenu et tout renseignement sur sa situation avant que l'ordre fût rétabli. Eh bien, et l'article du Code qui est formel et la loi que vous invoquez à tout bout de champ et que vous reprochez tant de méconnaître au gouvernement de l'Hôtel de Ville, il n'y a pas deux façons d'apprécier la conduite de M. Thiers à l'égard de Blanqui. Le cas a été prévu par les législateurs, et il constitue le fait qualifié crime, et la réponse du chef du pouvoir exécutif à la demande de la famille le rend tout bonnement passible des galères. H. Rochefort. L'autre fragment frappait plus encore peut-être en plein cœur bourgeois. Il s'agissait de ce trou à ras de la place Saint-Georges que le premier soin du vieux gnome fut de faire, aux frais de l'État, rebâtir comme un palais. Le mot d'ordre du 4 avril publiait cette juste appréciation. « Ce Thiers possède rue Saint-Georges un merveilleux hôtel, plein d'œuvres d'art de toutes sortes. Ce Picard a sur le pavé de Paris, qu'il a déserté, trois maisons d'un formidable rapport, et M. Jules Favre occupe, rue d'Amsterdam, une habitation somptueuse qui lui appartient. Que diraient ces propriétaires, hommes d'État, si, à leurs effondrements, le peuple de Paris répondait par des coups de pioche, et si, à chaque maison de Courbevoie touchée par un obus, on abattait un pan de mur du palais de la place Saint-Georges ou de l'hôtel de la rue d'Amsterdam. H. Rochefort. Un peu de granit émietté pour sauver tant de poitrines humaines était un crime si grand pour les possédés de Versailles que leur haine n'avait pas de bornes quand la vérité leur cinglait la face. Il fut d'abord question d'envoyer Rochefort à une cour martiale, puis d'arrêter ses enfants qui, d'abord cachés par le libraire de la gare d'Arcachon à Paris, furent emmenés par Edmond Adam. La rage de Foutriquet, Versailles, momentanément apaisée par les condamnations à mort, au bagne, à la déportation des membres de la Commune, la reconstruction plus belle de sa maison, il avait réfléchi que si elle n'eût pas été démolie, l'État ne la lui aurait pas reconstruite. Et comme il attribuait à l'article de Rochefort une grande part à cette démolition, il désira qu'on se contentât, pour des articles aussi criminels, de la déportation aux antipodes, ce qui ferait éclater sa mansuétude. Donc, le 20 septembre 1871, Henri Marais et Moureau comparurent sous les formidables accusations qui suivent. Journal frappé de suspension. Fausses nouvelles publiées de mauvaise foi et de nature à troubler la paix publique. Complicité d'attentats ayant pour but d'exciter à la guerre civile. Complicité par provocation au pillage et à l'assassinat. Offense envers le chef du gouvernement. Offense envers l'Assemblée nationale. Le président Merlin prit à partie tous les articles du mot d'ordre, celui du 2 avril prévenant Foutriquet que l'on emploiera contre lui tous les engins mortifères qu'on pourra inventer, celui du 3 qui traite de Guignol les membres du gouvernement, ceux sur Blanqui, sur la maison de la place Saint-Georges, sur la colonne, de façon à épouvanter Gaveau, prononça le réquisitoire. Ces hallucinations ne réussirent qu'à la déportation perpétuelle, enceinte fortifiée pour Rochefort. Moureau, secrétaire de rédaction, à la même perpétuité déportation simple. Henri Marais, à 5 ans de prison. Locroy, ayant poussé un peu trop loin une promenade en dehors Paris, fut gardé en prison à Versailles jusqu'à l'entrée des troupes. Foutriquet lui avait donné à choisir entre cette prison et son siège de député inviolable à l'Assemblée. Il avait préféré rester. Madame Meurice, qui vint me voir en prison, me dit que son mari avait été également incarcéré. Versailles aurait voulu arrêter toute la terre. Quelques jours après le jugement de Rochefort, Gaveau, que toutes les idées remuées devant lui avaient achevé de détraquer, devint tout à fait fou. On jugea des petits-enfants, les pupilles de la Commune. Ils avaient 8 ans, 11 ou 12 ans, les plus grands 14 ou 15. Combien moururent en attendant la 21e année dans les maisons de correction? Comme l'Angleterre, la Suisse refusa de rendre les fugitifs de la Commune. Elle garda Razoua, que réclamait Versailles. La Hongrie refusa de rendre Frankel. Roque de Fiol, maire de Puteaux, homme intègre, fut condamné au bagne, peut-être par dérision. Fontaine, directeur des domaines sous la Commune, d'une honnêteté absolue, eut 20 ans de travaux forcés pour des bibelots perdus dans l'incendie des Tuileries. L'argenterie et les 106 objets d'art de la maison tiers furent retrouvés aux garde-meubles et dans les musées. Ils avaient été surfaits et n'avaient comme art nulle valeur. La dernière exécution à Satory eut lieu le 22 janvier 1873. Philippe, membre de la Commune, Benoît et de Caen pour avoir participé à la défense de Paris par l'incendie des Tuileries. Ils tombèrent en criant « Vive la Révolution sociale, vive la Commune !» En septembre avaient été fusillés pour faits semblables l'Olive, d'Anvelle et Deschamps. « À bas les lâches » crièrent-ils en tombant « Vive la République universelle !» Comme elle paraissait belle debout au poteau où l'on mourait pour elle. Satory, pendant ces 2 ans, but du sang pour que la terre en fût arrosée. La Commune était morte, mais la Révolution vivait. Cette incessante éclosion de tous les progrès dans lesquels à chaque époque a évolué l'humanité compose d'âge en âge une forme nouvelle. Le 4 décembre, Lisbonne, se soutenant à peine sur les béquilles, qu'au bagne il traîna 10 ans, comparut devant le Conseil de guerre, qui le condamna à mort. La peine fut commuée en une mort plus lente, les travaux forcés à perpétuité dont il sortit pourtant. Puis Hurtebise, secrétaire du comité de salut public. Tous ceux qui avaient écrit contre Versailles furent recherchés. Le Pelletier, Pérouton eurent des années de prison. Si nous eussions voulu, nos jugements eussent pu être annulés. les conseils de guerre se servant sans y rien changer de feuilles imprimées, sous l'Empire, où nous nous trouvions inculpés d'après le rapport et les conclusions de Monsieur le commissaire impérial. Mais les conseils de guerre étaient la seule tribune où l'on put acclamer la Commune devant ses meurtriers et ses détracteurs, et nous ne chicanions pas. Enfin, le 11 décembre, je reçus mon assignation pour le 16 courant à 11h30 du matin. En voici copie avec la formule déjà citée, Monsieur le commissaire impérial. Formule numéro 10. Première division militaire. Articles 108 et 111 du Code de justice militaire. Mise en jugement. Le général commandant la première division militaire. Vu la procédure instruite contre la nommée Michel Louise, institutrice à Paris, vu le rapport et l'avis de Monsieur le rapporteur et les conclusions de Monsieur le commissaire impérial, tendant au renvoi devant le Conseil de guerre, attendu qu'il existe contre ladite Michel prévention suffisamment établie d'avoir, en 1871, à Paris, dans un mouvement insurrectionnel porté des armes apparentes, étant vêtu d'un uniforme et fait usage de ses armes, crime prévu et réprimé par l'article 5 de la loi du 24 mai 1834, vu les articles 108 et 111 du Code de justice militaire, ordonne la mise en jugement de ladite Michel su-qualifié. Ordonne en outre que le Conseil de guerre appelé à statuer sur les faits imputés à ladite Michel sera convoqué pour le 16 décembre à 11h30 du matin. Faite au quartier général à Versailles le 11 décembre 1871. Le général commandant, la première division militaire. Appert, PCC et signification à l'accusé, le commandant Gariano, Aulé. Cette dernière signature illisible. Je trouve dans le numéro 756 du journal Le Voleur, série illustrée, 44e année, 29 décembre 1871, mon jugement précédé d'une sorte de présentation. Comment dire en si peu de pages qu'il me reste notre histoire à tous et à toute l'histoire sombre des geôles après l'histoire horrible du coupe-gorge. Je prends pour mon jugement les quelques lignes qui le précèdent, d'après le journal Le Droit, dans le journal Le Voleur, moins venimeux que je ne l'aurais cru alors. La justice militaire, 6e conseil de guerre à Versailles. La nouvelle Théroigne. Nous avons annoncé brièvement dans notre dernier numéro la condamnation de la fille Louise Michel, une des héroïnes de la Commune, qui ose faire face à l'accusation et ne se réfugie pas derrière les dénégations et les circonstances atténuantes. Cette affaire mérite mieux qu'une mention succincte et nous sommes certains que nos lecteurs ne seront pas fâchés de faire plus ample connaissance avec Louise Michel, dont nous donnons plus loin le portrait dessiné d'après la photographie à Père. Il y a entre elle et Théroigne de Méricourt la bâchante furieuse de la terreur des points de ressemblance qui n'échapperont pas à ceux qui vont lire les débats du 6e conseil de guerre. Louise Michel est le type révolutionnaire par excellence. Elle a joué un grand rôle dans la Commune. On peut dire qu'elle en était l'inspiratrice, sinon le souffle révolutionnaire. Comme institutrice, Louise Michel a reçu une instruction supérieure. Elle était établie rue Oudot 24. Dans les derniers temps, le nombre de ses élèves s'élevait à 60. Les familles étaient satisfaites des soins et de l'instruction qu'elle donnait aux enfants qui lui étaient confiés. Cette femme était dans l'exercice de ses fonctions d'institutrice, aimée et estimée dans le quartier, on la savait, etc. Je passe tout ce qui semble flatteur. Ses aptitudes, etc. Au 18 mars, sans abandonner son institution qu'elle négligea pourtant en laissant la direction aux sous-maîtresses, Louise Michel, d'une imagination exaltée, se livre avec ardeur à la politique. Elle fréquente les clubs où elle se distingue par un langage qui rappelle les énergumènes de 93. Ses idées et ses théories sur l'émancipation du peuple fixent sur elle l'attention des hommes à la tête du mouvement insurrectionnel. Elle est admise au sein de leur conseil et prend part à leurs délibérations. C'était justement depuis le 18 mars que j'avais vu le moins souvent les camarades avec lesquels je combattais depuis si longtemps, déjà pour les idées auxquelles j'avais consacré ma vie depuis que je pensais et que je voyais les crimes de la société. Depuis le 3 avril jusqu'à l'entrée des troupes de Versailles, je n'avais quitté les compagnies de marche que deux fois pendant quelques heures pour venir à Paris. Quand le 61e bataillon auquel j'appartenais rentrait, J'allais avec d'autres, les enfants perdus, les éclaireurs, les artilleurs de Montmartre, tantôt à la gare de Clamart, à Montrouge, au fort d'Issy, dans les hautes bruyères, à Neuilly. Si les juges ne se trompaient pas, ce ne serait pas la peine qu'ils fissent de si longues instructions. Ceux-là, du reste, reconnaissaient que j'avais de toutes mes forces et de tout mon cœur servi la commune, ce qui était vrai. J'ai vu depuis pire que les juges du Conseil de guerre. Continuons le journal. Tel est en résumé le rôle que l'accusé a joué, rôle qu'elle va à l'audience accentuer en lui donnant un cachet tout particulier d'énergie et de virilité. Louise Michel est emmenée par des gardes. C'est une femme âgée de 36 ans, d'une taille au-dessus de la moyenne. Elle porte des vêtements noirs, un voile dérobe ses traits à la curiosité du public fort nombreux. Sa démarche est simple et assurée, sa figure ne recèle aucune exaltation. Son front est développé et fuyant. Son nez, large à la base, lui donne un air peu intelligent. Ses cheveux sont bruns et abondants. Ce qu'elle a de plus remarquable, ce sont ses grands yeux d'une fixité presque fascinatrice. Elle regarde ses juges avec calme et assurance, en tout cas avec une impassibilité qui déjoue et désappointe l'esprit d'observation, cherchant à scruter les sentiments du cœur humain. Sur ce front impassible, on ne découvre rien, sinon la résolution de braver froidement la justice militaire, devant laquelle elle est appelée à rendre compte de sa conduite. Son maintien est simple et modeste, calme et sans ostentation. Pendant la lecture du rapport, l'accusé, qui écoute attentivement, relève son voile de deuil qu'elle rejette sur ses épaules. Tout en tenant ses regards braqués sur le greffier, on la voit sourire, comme si les faits articulés contre elle éveillaient un sentiment de protestation, ou étaient contraires à la vérité. Voici d'après le rapport de ce que publiait le Cri du Peuple à la date du 4 avril. Le bruit qui a couru que la citoyenne Louise Michel, qui a combattu si vaillamment, a été tuée au fort d'Issy, est controuvé. Heureusement pour elle, ainsi que nous nous empressons de le reconnaître, l'héroïne de Jules Vallès est sortie de cette brillante affaire avec une simple entorse. Louise Michel, en effet, avait attrapé une entorse en sautant un fossé et n'avait nullement été atteinte par un projectile. Le rapport mentionne le premier couplet d'une chanson intitulée « Les Vengeurs » qu'elle avait composée. « La coupe déborde de fange, pour la laver il faut du sang. Foule ville dort, boit et mange, le peuple est là, sinistre et grand. Là-bas les rois guettent dans l'ombre pour venir quand il sera mort. Déjà depuis longtemps il dort, couché dans le sépulcre sombre. » Le voleur, d'après le droit, 29 décembre 1871, pages 1083 et 1086. Ici, j'abandonne le compte-rendu du voleur d'après le droit pour prendre le résumé de Lisa Garé. « Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendu », s'écrie Louise Michel. « J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Je l'accepte sans restriction. Vous me reprochez d'avoir participé à l'exécution des généraux. À cela, je répondrai, ils ont voulu faire tirer sur le peuple, je n'aurais pas hésité à faire tirer sur ceux qui donnaient des ordres semblables. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. Je n'ai point de complice, j'ai agi d'après mon propre mouvement. » Le rapporteur Dailly requiert la peine de mort. Elle. « Ce que je réclame de vous, qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, mais qui ne vous cachez pas comme la commission des grâces, c'est le champ de Satori où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société, on vous a dit de le faire. Eh bien, le commissaire de la République a raison, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance et je demanderai à la vengeance de mes frères les assassins de la Commission des Grâces. » Le Président. « Je ne puis vous laisser la parole. » Louise Michel. « J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. » Ils n'eurent pas le courage de la tuer tout d'un coup. Elle fut condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée. Louise Michel ne fut pas unique dans ce genre. Bien d'autres, parmi lesquels il faut dire Madame Lemel, Augustine Chiffon, montrèrent aux Versaillais quelles terribles femmes sont les Parisiennes, même enchaîné. Lisa Garay, Histoire de la Commune de 1871, pages 434 et 435. Augustine Chiffon, en arrivant à la centrale d'Auberive, ancien château devenu maison de force et de correction, où nous attendions le navire de l'État qui devait nous emporter en Nouvelle-Calédonie, Augustine Chiffon cria « Vive la Commune !» en mettant sur son bras son numéro du bagne. Je me souviens que le mien était 2182. Quel terrible fil que ces 2181 qui avaient passé là avant moi. Madame Lemel ne fut jugée que très tard. Ne voulant pas survivre à la Commune, elle s'était enfermée dans sa chambre avec un réchaud de charbon. Comme on vint l'arrêter, elle fut sauvée de la mort pour le conseil de guerre. On l'avait mise, en attendant son assignation, dans un hospice où plusieurs fois elle refusa l'évasion qu'on lui offrit. Lorsque Madame Lemel arriva à Auberive, elle y fut reçue par nous toutes, au cri de « Vive la Commune !» Nous en avions fait autant pour Excoffon, Madame Poirier, Chiffon et une vieille qui avait déjà combattu à Lyon, au temps où les canuts écrivaient sur leur drapeau « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Elle avait de toutes ses forces combattu pour la Commune. Elle s'appelait Madame Deletras. Quelques jours de cachot et tout était dit. Dans ce cachot, par un soupirail, on apercevait une grande partie du pays. Le règlement étant les jours de procession d'aller au cachot ou à la procession, nous y allâmes le jour de la fête Dieu, ce qui désappointa fort les curieux accourus pour nous voir de tous les coins du département de l'Aube. Fin de Les prisons de Versailles.